Tome 1, partie 2, chapitre 10, l'épave. Le comte de Charmeuse marchait droit devant lui. Il ne savait pas où il allait. Dans sa tête, emplie de confus bourdonnements, une idée seule se formulait avec un peu de clarté, s'éloignait de l'endroit où il s'était déshonoré, comme les criminels s'écartent tout d'abord du lieu où ils ont commis le forfait, quitte à y revenir, comme le cerf au lancer, le papillon au flambeau. Et la chose lui apparaissait presque un crime. De forfait à forfaiture, il n'y a qu'un saut de la pensée. Il avait tué le nom des Charmeuses. Là-bas, au pied de ce mont Valérien où l'un des siens était tombé pendant le siège face à l'ennemi, lui avait renié son passé, assassiné la gloire et l'orgueil d'une race, étranglé la tradition qui lui venait d'une longue lignée d'ancêtres. On pouvait chercher dans ce champ boueux, on y trouverait un cadavre, la loque de son honneur. Ah, quelles ignominies sommeillaient donc au fond de son âme de dégénérer, quelle invincible force l'avait empêché de se faire sauter la cervelle. Peur. Il avait eu peur, et Paris tout entier allait le savoir. Une brusque vision lui montra le cercle fameux où pénètrent seuls les grands noms de la noblesse. Il vit son nom affiché, il entendit les murmures de dégoût, il eut la perception très nette de ce que dirait le président. « Monsieur de Charmeuse est mort, ses funérailles sont reculées à une date indéterminée, attendons. » C'est ainsi qu'une fois déjà le duc, président du cercle, avait annoncé la radiation d'un collègue, chassé pour une faute moins grave, certes, que celle du comte. Tout à coup, il se trouva sur une route bordée de villas, un coin de banlieue bourgeoise, avec ses maisonnettes découpées à l'emporte-pièce sur le même modèle, esquissant leurs frêles silhouettes sur le fond brumeux d'un ciel d'hiver. Où était-il? Qu'importait, après tout? Il crut remarquer qu'on le regardait. Il boutonna sa redingote sur son col arraché. Il s'aperçut alors qu'il avait froid et faim. Il était peut-être midi. Un pâle soleil glissait des rayons glacés sur ce paysage à travers lequel il marchait comme dans un rêve. Il entra dans un restaurant, une auberge quelconque, et demanda qu'on lui servît à déjeuner. Vaguement, il vit un garçon en tablier crasseux qui s'empressait, dressait le couvert, pendant qu'il se chauffait le dos à un grand poêle monumental. Et quand le déjeuner fut servi, quand il vit fumer sur une table des plats qu'il n'avait pas demandés, répondant « oui » à tout ce que lui avait proposé le garçon, il s'assit. Sa tête tomba dans une de ses mains, et il demeura longtemps ainsi. À quoi rêva-t-il? Dans quelle déchéance peu à peu s'enfonça la pensée de ce malheureux? Quelles affreuses luttes déchirèrent son âme? L'habitude de sa vie ordinaire le reprit et il appela. « L'addition, » fit-il. « Monsieur n'a touché à rien, » observa le garçon. « Tiens, c'est vrai, je n'ai plus faim. » Il paya et sortit, se dirigeant toujours devant lui, au hasard, s'arrêtant parfois des demi-heures entières à la même place, immobilisé, pétrifié, laissant échapper d'incohérentes paroles, discutant son terrible cas avec l'âpre acharnement de l'homme qui ne veut pas mourir. À un moment, il murmura, très calme, « J'en tuerai 10, 50, 100 s'il le faut. » Une autre fois, il cria tout haut, « Mais messieurs, mettez-vous à ma place! Pouvais-je assassiner la comtesse ?» Et c'était de tortueuses angoisses, c'était d'affolantes pensées qui fusaient ainsi, brusquement, comme des laves de volcan. Cela dura des heures. Il marchait toujours, revenant sur ses pas, faisant des détours inconscients, roulant dans les mêmes cercles. Oh, que je suis fatiguée! Que je suis donc là! Au moment où ces derniers mots sortirent péniblement de ses lèvres tuméfiées, il s'arrêta, voulut regarder sa montre. Alors il s'aperçut qu'il faisait nuit. Il regarda devant lui. C'était une longue, une interminable avenue, avec la double rangée de ces becs de gaz dont les feux dansaient au loin, et la course fantastique dans l'ombre, des yeux jaunes, rouges ou verts, des voitures et des fiacres. Il reprit sa marche, franchit les fortifications, rentra dans Paris, erra en de lointains quartiers, un peu soulagé de se trouver dans des foules inconnues. Puis soudain, cette foule même lui fit horreur. Le roulement des omnibus, les cris des camelots, l'insondable murmure de la rue formaient dans ses oreilles un bruit monotone, puissant, infini, comme la rumeur de l'océan. Et c'était bien la mer indéchiffrable et mystérieuse, l'océan parisien où il roulait, tanguait, ballotté au vent de sa pensée, misérable épave, perdu, souillé. Alors il s'enfonça dans des ruelles où jamais il n'avait pénétré. « Monsieur, on ferme ?» C'était la voix grasseyante d'un patron d'estaminet où il s'était échoué sur une banquette et où il se retrouva, sur le coup de 2 heures du matin, étonné, éreinté, les jambes molles, la cervelle vide. Il s'en alla. Et ce fut seulement lorsque Paris se fut endormi qu'il se risqua vers les quartiers où il avait vécu sa vie de boulevardier insoucieux. Il glissa, tête basse, le long de la devanture de certains cafés où il était entré, souriant, heureux d'être regardé, admiré. Une grande place luisante lui apparut, avec des statues, pâles fantômes sur leur grand socle, et, à droite, la sombre masse des quinconces. Oui. Son instinct, plutôt que sa volonté, l'avait ramené aux Champs-Élysées. Quelques minutes plus tard, il s'arrêta devant un hôtel à la somptueuse façade. Une seule lumière brillait faiblement. L'hôtel de Jean Robin. Il regardait, le cou tendu, les tempes battant à grands coups. « Mais que lui ai-je fait? Que lui ai-je fait ? » rugit-il intérieurement. « Oh, cette homme, ce misérable Yankee venu du fond des mers pour m'assassiner. Oh, le lâche, l'infâme lâche !» Son poing se tendit vers la fenêtre éclairée. « Oui, lâche, lâche, lâche !» hurla-t-il dans la nuit. Et un sanglot d'immense désespoir lui déchira la gorge. La réaction se produisit, foudroyante, et brisé, agonisant, secoué de frissons, le comte de Charmeuse s'abattit sur un banc, comme un gueux sans feu ni lieu, sans gîte, comme un chien perdu loin de la niche. Au loin, l'océan de Paris grondait plus doucement, plaintif, psalmodiait, et roulait des rumeurs plus éteintes, plus désolantes aussi, autour de l'épave, lamentablement échoué en ce coin de splendeur.